4, 3, 2, 1. Météo, j'ai vu que vous êtes deux à la météo. T'es tombé du ciel, on a cru voir une météo. Ride, est-ce que je te mets? Ride, dis-moi la vérité. Est-ce que je te mets? Ride, dis-moi la vérité. Stop, stop, stop. C'est sans plus mon corps.